Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire. Thérèse Cassegrain, militante féministe, politicienne et pionnière du droit de vote des femmes. Il y avait une chose essentielle, c'était d'obtenir pour les femmes de la province de Québec leur droit de suffrage. Elles votaient déjà au fédéral depuis 1918, mais elles n'avaient pas un mot à dire dans les élections provinciales. Et la dernière province qui avait accordé le droit de vote aux femmes était la Nouvelle-Écosse en 1922. Et nous, dans le Québec, nous l'avons obtenu en 1940. Le nom de Thérèse Cassegrain est d'abord et avant tout associé à son combat pour l'obtention du droit de vote des femmes au Québec. Et s'il est vrai qu'on lui doit une fière chandelle à ce chapitre, il est aussi juste de rappeler qu'à ce combat pour le droit de vote s'ajoute celui pour le droit des femmes plus généralement, de même que son engagement en politique active. Thérèse Cassegrain, qui ne sera jamais élue députée, sera pourtant la première femme à diriger un parti politique au Canada. Et vous avez vu un grand changement, Mme Cassegrain, depuis 20 ans ou 25 ans? J'ai vu beaucoup de changements. Je ne peux pas dire qu'il y a de grands changements. Aujourd'hui, les femmes ont plus de courage. Elles prennent leurs responsabilités en public d'une façon beaucoup plus active qu'autrefois. Mais tout de même, il y a encore beaucoup à faire. Et je ne blâme pas uniquement les hommes. Je trouve que les femmes elles-mêmes devraient avoir le courage de se lancer dans la vie publique. Mais est-ce que vraiment, en général, les hommes dressaient les barrières qu'on veut bien leur attribuer? Non, non. Je ne dis pas que c'est la faute des hommes. Je trouve que les femmes elles-mêmes auraient dû prendre leurs responsabilités. Comme par exemple, on dit que les femmes sont les grandes éducatrices. Mmh. Elles ont les enfants à la maison, mais combien de femmes ont eu le courage, par exemple, de se présenter comme commissaire d'école? Mmh. Il y a eu très peu de femmes qui ont eu quelque chose à dire dans les programmes d'éducation. Alors, ce sont des choses qui intéressent directement les femmes et elles se contentaient de présenter des résolutions. Moi, je ne serais pas en faveur d'une femme uniquement parce que c'est une femme. Extrait de l'émission Studio 11 du 2 novembre 1971, co-animée par Lise Payette, Jacques Fauteux et Guy Provost. Pour nous rappeler le parcours exceptionnel de Thérèse Cassegrain, je reçois Nicole Forget, qui a signé sa biographie « Thérèse Cassegrain, la gauchiste en collier de perles ». Nicole Forget, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord de ce qu'on vient d'entendre. C'est intéressant, cet extrait. Qu'est-ce que ça nous dit, ce discours sur la responsabilité, sur la responsabilisation des femmes dans cet extrait, Thérèse Cassegrain? Qu'est-ce que ça nous dit sur la vision qu'elle a des questions féminines, du féminisme? Oui, je ne sais pas si Thérèse accepterait qu'on dise qu'elle soit féministe et se disait humaniste, mais elle était consciente que les femmes avaient un rôle à jouer, effectivement. Elle dit qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais dans d'autres créneaux. Il est vrai qu'à l'époque aussi, les femmes demeuraient avec le même conjoint à élever leurs enfants. Ce n'est plus le cas de nos jours et ça pose des difficultés particulières quand il faut à la fois s'occuper des enfants et s'impliquer socialement. Notre société permet moins qu'on s'implique socialement. Il n'y a plus de place pour les parents dans les écoles, enfin difficilement. Mais et cette on montre notion, il y a un terme en anglais, le terme français m'échappe, mais d'empowerment. Empowerment, oui. C'est ça qu'on entend. Oui, oui. C'est sa vision, sa fondamentale? Oui, elle pensait qu'on devrait partir et faire des choses de nous-mêmes. Et Thérèse prenait le téléphone et disait, bon, j'ai besoin, je forme un comité, puis on s'en va, puis on débat telle question. C'est pas donné à toutes les femmes, tous les hommes d'ailleurs, de faire ça. Et pas quand vous avez charge d'enfants et personne ne va vous en occuper. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Thérèse était veuve depuis longtemps, ses enfants étaient grands. Elle venait d'un milieu où elle n'avait pas besoin de toujours s'occuper de ses enfants. En fait, c'est un point de vue qui aujourd'hui encore serait très critiqué par certaines féministes, ce point de vue-là. Des féministes qui diraient, il y a une part de... peut-être de candeur, on oublie un peu qu'il y a une forme, encore aujourd'hui, de sexisme systémique. Là. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi que la vocation de chacun passe par un lieu donné et qu'on ne peut pas en régimenter chacun dans une cause en particulier. À l'époque, il y avait peu de causes, on choisissait sa cause. Ben, oui. Peu de causes, il y en avait, mais disons, aujourd'hui, il y a 56 000 causes. Oui. L'environnement, le ci, le ça. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas impliquées, mais elles ne sont pas impliquées au niveau public, dit-elle. Et la bataille pour aller dans la vie publique, c'est difficile, ça va demeurer difficile. Ouais. Même aujourd'hui, en fait. Vous avez décidé de, c'est pas rien quand même, Nicole Forget, de vous mettre à votre table et d'écrire une biographie, de consacrer une biographie complète à Thérèse Casgrain. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéressait chez elle? Je voulais qu'on ne l'oublie pas. C'est facile. D'abord, je voyais qu'on la mélangeait toujours avec Marie-Claire Kirkland Casgrain. On pensait que Casgrain, c'est la même personne, elle a été élue, etc. Et quand j'expliquais, mais non, elle n'a jamais été élue. Mais non, c'est pas la même. Mais Casgrain, c'est le nom de son mari. Mais non, elles ne sont pas parentes. Mais bon. Et que je commençais à dire ce qu'elle avait fait, elle me disait, ah, le droit de vote, on me dit, c'est... J'ose pas dire que c'est rien, mais c'est minuscule. En 1933, elle fait des conférences, elle est à radio, dans les journaux, et elle dit il faut avoir travail égal, salaire égal pour travail égal. On est en pleine crise, il n'y a personne qui a des sous, il se bat déjà pour ça. Il a défini c'est quoi. Thérèse, elle était, l'injustice la faisait sauter. Ouais. Alors, son engagement fondamental, je pense que c'était contre les injustices et le droit de ce qu'on faisait aux femmes, c'était une injustice intolérable. Vous parlez d'elle depuis quelques minutes, souvent en fait, vous l'appelez Thérèse, vous l'avez connue en fait, en 66, au moment où la Fédération des femmes du Québec est fondée. Quel genre de femme était-elle? Bon, Thérèse, j'ai essayé de la rendre dans ce livre-là, c'est pas ce que les écrits nous montrent. Elle était complètement impolitiquement correcte. Dans sa vraie vie. Ouais. Et elle disait ce qu'elle avait à dire, même au premier ministre de l'époque, fédéral et provincial. De toute façon, ils venaient chez son père, ces gens-là, et ensuite chez son mari. Et donc, c'était des gens connus, et elle était à l'aise de leur dire ce qu'elle pensait. Elle pouvait très bien dire s'il faut attendre aux élections, parce qu'il y avait, on dit, on ne va pas donner le droit de voter aux femmes, il va y avoir des chicanes pendant les élections. Elle disait, s'il faut attendre 5 ans pour chicaner dans un couple, vraiment. C'était le genre, mais ça ne passerait pas de nos jours, ce genre de truc-là, comme plein d'autres. On disait, par exemple, à une jeune fille, elle pouvait très bien dire, tu penses que tu vas avoir un mari organisé comme tu es, il faut que tu prennent en main, ça rejoint la responsabilité, que tu fasses quelque chose. Vous l'évoquez déjà un peu en disant, elle côtoyait les hommes de pouvoir qui venaient d'abord chez son père, puis chez son mari. Son mari aurait été député. Son père est très, très riche, une grande fortune à l'époque. Parlons-en un petit moment de ça, parce que, puis vous l'avez évoqué, elle n'a pas à se soucier pour le plus gros de sa vie d'un chèque à attendre. L'argent n'est pas une préoccupation. Elle est vraiment issue d'un milieu... C'est la grande bourgeoisie. Oui. C'est une espèce d'aristocratie financière canadienne-française. Elle est minuscule, celle-là, du milieu des années du 19e siècle jusqu'au à peu près à la crise. Après ça, on a peu... C'est les Écossais qui contrôlent la fortune ici. Mais le grand-oncle de Thérèse, du père de Thérèse et son père sont des banquiers d'affaires. Ils créent, au fond, la Bourse de Montréal, ces gens-là. Oui. Hein? Ils sont des courtiers. Alors, ils sont à l'origine de très grandes entreprises qui survivent aujourd'hui. La Société de transport de Montréal, qui était les tramways à chevaux à l'époque. L'Hydro-Québec, qui était un minuscule petit barrage. Et ils contrôlaient le gaz dans le Vieux-Montréal. Oui. Ils mettent ça tout en... c'est énorme. C'est sûr que chez eux venaient et les financiers et les évêques et les têtes couronnées, ce que vous voulez. Et ils venaient surtout l'été. À Saint-Irénée, ce que les gens de l'époque appellent le château, qui est le domaine Forget, le domaine musical maintenant. Quand vous pensez qu'il y a 17 chambres à coucher, là, puis des serviteurs là-dedans, puis que ça roule constamment. 12 domestiques à un moment donné. Oui. Alors? Elle sera d'ailleurs toute sa vie très attachée à cette région de Charlevoix. Un mot sur la jeune Thérèse, donc qui naît dans ce milieu très aisé, qui grandit avec une cuillère d'argent à la bouche. Elle se marie tôt, jeune, à 19 ans. Ce qui est fascinant, c'est que pendant quelques années, elle sera l'épouse attendrie et la bonne mère de famille. Au fond, le rôle qu'on destine aux femmes à cette époque-là. C'est ça. Elle aurait voulu aller à l'université, puis son père a dit non, il faut que tu apprennes ce que les femmes de ton rang doivent savoir. Gérer une cuisine, va à la cuisinière, va demander comment faire la cuisine. Elle était d'ailleurs pas extrêmement de cuisinière, Thérèse. Et puis, il fallait apprendre à embaucher du personnel, les débaucher, tenir les livres de compte, supporter le mari, changer 3 fois par jour, et puis faire des œuvres-pie, comme on disait, du bénévolat. Elle en a fait beaucoup toute jeune, et elle a continué toute sa vie. Ouais. L'exemple. Les femmes, pour se responsabiliser, ça vient pas tout seul. Il faut un exemple quelque part. C'est pas un apprentissage qu'on fait tout seul soi-même. Elle l'avait, puis elle a continué. Et son père, l'hôpital Notre-Dame existe parce que son père l'a financé, a mis sa fortune un peu dedans. Tu sais. Donc, des premières années de jeune épouse dévouée à l'éducation de ses enfants, mais il y a, par son mari, en fait, mm-hmm. un événement qui va être très, très important, qui va changer sa vie en 1921. Elle remplace son mari, qui est malade, lors d'une assemblée politique. On est en pleine campagne électorale. Il est déjà député, donc, le mari de Thérèse Casgrain. Et c'est le début de son militantisme. On écoute Thérèse Casgrain en parler en 1971, à nouveau, à cette émission, donc Studio 11, animée par Lise Payette et Jacques Fauteux. Quel a été le facteur, le motif de base qui a fait que vous vous êtes lancé, sinon en politique, à parler en public et à faire valoir la femme? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a fait que vous êtes sorti? Qui a déclenché cette décision? Je vais vous dire, le secret, c'est l'amour. C'est l'amour? Oui, oui. L'amour pour un homme. Parce qu'à un moment donné, nous étions dans une campagne électorale et puis mon mari est tombé bien malade. Alors son adversaire disait, Casgrain a peur, il se cache. Alors, on a dit, ben madame, voulez-vous aller vous-même dire à la population que c'est faux? Et c'est de cette façon-là que j'ai commencé à militer. Et ensuite, ici à Montréal et dans la province, les femmes qui s'occupaient d'émancipation féminine sont venues me chercher. Parce que, donc, c'est là que ça se passe. Oui. Elle est remarquée à cette occasion et elle a la piqûre à ce moment-là. Oui, puis vous allez voir son état d'esprit. Les gens, c'était des assemblées publiques, là, hein? Elle sonne un balcon, puis il fait froid, puis etc. Puis elle dit, c'est vrai qu'il est malade, mon mari. Puis elle chahutait en bas. Elle comprend pas très bien. Puis elle dit, mais c'est vrai, il vous envoie ce qu'il y a de plus précieux, sa femme. Puis quelqu'un crie, ben on ne le voit jamais. Puis elle dit, moi non plus, mais je vais voter pour lui pareil. Ouais. Ça, c'était la Thérèse que j'ai connue, moi, par après, qui était vivante, dynamique. Et c'est sûr que le comité pour le suffrage, le comité provincial pour le suffrage féminin, qui était composé moitié anglophone, moitié francophone, moitié catholique, protestante et juive, tout de suite, on sautait sur elle. C'était quelque chose d'intéressant. Elle devient très critiquée aussi, on ne réalise pas, mais oui. Une femme qui se présente dans une assemblée politique. Ça ne fait pas, ça se fait pas. Ouais. Mais elle était toujours... Elle avait la tenue de l'époque, l'uniforme, si je peux dire. Les gants blancs, le chapeau, les perles, c'est pas pour rien le titre. Bon. Elle tenait son rang, sauf que ce rang-là était inadmissible. Alors, c'était une déviante naturelle, si je peux dire. Elle testait les limites à partir de là tout le temps. Et donc, débute pour elle la période de militantisme qui va être l'avancement de toutes les questions liées aux femmes, mais qui va aussi être, et c'est pour ça surtout qu'on la connaît, cette grande bataille pour l'obtention du droit de vote des femmes. On l'écoute, ça va être très, très long. Ça va durer 20 ans, cette bataille-là. On l'écoute en parler au micro de Pierre Olivier en 1963. Il a fallu batailler ferme. Il a fallu... Nous sommes allés, je crois que c'est 15 fois à Québec, faire présenter des projets de loi avant de vraiment obtenir le droit de vote et l'éligibilité pour les femmes. Et sous quel prétexte ou pour quelle raison cette opposition? D'abord, il y avait toujours les mêmes vieilles rengaines. C'est que d'abord, nous allions ruiner nos foyers. Nous ne les ruinions pas au fédéral, mais au provincial, évidemment, ça avait un autre aspect. Ensuite, on redoutait peut-être que les femmes soient trop influencées vers la réaction. Pour d'autres, c'était dangereux. Ensuite, le fond de l'affaire, je crois que ça ennuyait les politiciens d'augmenter leur mot de tête en temps d'élection. Alors, c'est eux qui principalement s'opposaient à cette mesure? Bon, ça venait d'un peu partout. Ça venait d'un peu partout. Ça venait même, malheureusement, certains dirigeants spirituels considéraient que c'était extrêmement dangereux pour les femmes. Et en dépit du fait qu'il y avait des paroles et puis des enseignements qui nous venaient directement du Saint-Père, nous avons eu beaucoup de difficultés. Alors, ça va être très long, cette bataille, Nicole Forget, pour la reconnaissance du droit de vote des femmes. Ça va durer presque 20 ans. Ça commence quoi? Déjà chez Louis-Alexandre Taschereau en 1922. Oui. Racontez-moi ça, parce que c'est assez... De quelle manière elles vont être reçues elles vont cogner à la porte pour une première fois? C'est très suave, parce qu'on appelait ça le Bill des femmes, de toute façon. Alors, il y avait quelqu'un dans l'opposition ou au pouvoir qui acceptait de présenter un projet de loi. Un brave homme. Oui, brave homme. Mais c'était avec la bénédiction de Taschereau, du Plessis. C'est plus tard, bon. Mais alors, elles arrivent et là, elles prennent le train. En février, il fait frette, mettons ça comme ça. Elles ne lisent des trains au Windsor, c'est à Montréal, Gal Windsor, il y en a marre à Trois-Rivières. D'autres femmes attendent à Québec et elles s'en vont. Et ce que les journalistes décrivent, c'est les femmes qui arrivent avec des chapeaux, avec des plumes qui pleurent, des grandes... Bon, etc., les descriptions, là, ça n'a rien de sérieux. Et on va les parquer dans le café du Parlement. Et là, on va mettre une table où va être Taschereau. Et quelqu'un explique qu'il y avait, un journaliste écrit qu'il y avait une espèce de bouquet de fleurs comme paravent. C'est comme si les femmes allaient leur lancer des... Et il y a des commentaires, et à la fin, je pense que Thérèse dit quelque part, il me semble que je la cite, en disant, on nous avait mis, nous on était très à l'aise parce qu'on est habitué d'être proche des cuisines. Mmh. Et mais sorti de là, Tachereau, qui parle au nous et à la grandeur, dit que enfin, si il y a le droit de faire est accordé. Ce ne serait pas nous qui allions l'accorder, c'était contre bon, la justice, la loi naturelle, l'Église contrôlait. Il faut se rappeler que Tachereau, il y avait un frère qui était à la Cour suprême, mais il y avait aussi un frère qui était cardinal. Donc, premier refus, celui du premier ministre Tachereau en 1922. Puis au fond, on l'entendait dans l'extrait, pendant des années, il y a donc un homme qui va de l'opposition, oui. du parti, qui va présenter un bill, un projet de loi pour le droit de vote des femmes. Chaque année, elle retourne au Parlement, refus après refus, et une désobligeance sans nom de la part des députés qui la reçoivent, entre autres. Oui. Qu'est-ce qui choque tant ces hommes d'Église, ces députés? Pourquoi une telle... on peut presque parler de hargne. Il y en a qui ramenaient ça... Les avocats du groupe ramenaient ça à la situation juridique de la femme mariée. C'est l'homme qui contrôle la communauté. On ne va pas diviser la communauté. Sauf que ça ne créait pas de problème, comme Thérèse l'a dit au fédéral. Les curés en chair au fédéral disaient « c'est votre devoir, mesdames. » Puis suivez le conseil de votre mari. Mm-hmm. Hein? Faut pas diviser le vote. Mais au Québec, c'était quasiment péché. Ouais. Il y avait quelque chose qui ne se comprenait pas. Et les arguments avaient beau être de plus en plus sérieux du côté des femmes, mais ils étaient organisés. Il y a d'éminentes juristes et d'éminents juristes mm-hmm. qui les ont défendus. Et elles arrivaient avec elles-mêmes des propositions. Alors, je pense que la seule façon de s'en sortir, ce que Thérèse avait fini par trouver, c'était de s'immiscer dans la discussion de toutes sortes d'autres projets de loi. Sur les banques, sur le contrôle du salaire, par exemple, des femmes, les droits réservés qu'on appellera, et de gruger tranquillement au niveau de la situation juridique de la femme mariée. Les législateurs et les curés n'avaient pas de problème avec les célibataires. Ce n'était qu'avec les femmes mariées qu'il y avait un problème. Et la preuve, il y avait des femmes célibataires qui avaient le droit d'aller voter au municipal. Et de se faire élire, finalement, et aux commissions scolaires aussi, tranquillement, à un moment donné. Pourvu qu'une femme ne s'oppose pas à cette espèce de droit, de devoir de soumission à son mari. C'était ça, au fond. Oui, c'était le gestionnaire de la communauté. Oui. Et puis, ça a été, écoutez, la fin des années 70, avant qu'on emporte ce gain-là. Là. Oui. 1940, Adélard Godbout qui donne donc le droit de vote aux femmes. Quel rôle il va avoir joué? Thérèse, c'était une libérale convaincue. Il n'y avait qu'un parti libéral. Au Canada, il y avait des divisions provinciales, mais pas tellement. Et le Congrès s'en vient et elle organise avec sa gang de femmes. Et s'organise. Elle est excellente organisatrice, Thérèse. C'est pas possible. Femme de réseau. Alors, elle s'assure qu'il y en a dans tous les comités. Et elle se fait installer dans un comité par au-dessus qui va pouvoir diriger. Et elle a avec elle quelques alliés du Parti libéral. Et est présenté sur le plancher du Congrès que le droit de vote des femmes soit inscrit au programme de la future élection. Alors, ça passe. Godbout est chef et c'est dans son programme. Alors, il l'annonce à l'ouverture de sa session et il va tenir parole. Oui. Malgré les difficultés, parce que l'Église va lui dire ça va, ils vont faire une campagne publique, l'Église, comme ça se peut pas. C'est un bon catholique, il est obligé d'aller voir le nonce et se demander qu'est-ce que je fais. Et finalement, il parle à, je sais plus si c'est le cardinal ou l'archevêque à l'époque, et puis il dit, écoutez, en mon devoir et conscience, moi, j'ai promis que je le ferai, donc je vais devoir démissionner. Et je vais demander au lieutenant-gouverneur de nommer à ma place, pour diriger la province, Thédé Bouchard. Oui. C'était reconnu comme, pas un agnostic, mais enfin, disons qu'il n'était pas très aimé, un franc-maçon, pas très aimé de l'Église. Alors, la propagande a cessé du jour au lendemain. Il a pu passer sa loi. Ça, c'est vraiment brillant, stratégie brillante de la part d'Adélard Godbout. Elle va, donc, du militantisme entourant les questions féminines, mais plus, comme vous le disiez, les questions humaines, au fond, de justice sociale. Oui, parce que c'est un effet direct sur les enfants, sur la famille, quand la femme a ses pouvoirs. Mais de ce militantisme, elle passe directement à l'action politique. Elle se présente une première fois comme candidate libérale indépendante dans Charlevoix en 1942, puis elle va se joindre au CCF, l'ancêtre du NPD. Elle deviendra chef de ce parti plus tard. Quel rôle et quelle importance elle aura, Thérèse Casgrain, en politique active, Nicole Forget? Elle va avoir un rôle de défricheur, au fond, comme de fondateur. Ce parti-là n'avait pas de racines ici. Elle va essayer partout d'en faire élire dans toute la province. Elle va financer ce parti-là. Ça va expliquer pourquoi elle meurt pauvre. Elle va s'assurer que la voix du Québec soit là et elle va se battre pour que ça soit aussi bilingue parce que ce parti n'était qu'anglophone. Même si elle est très fédéraliste, Thérèse, elle est très attachée. Puis elle est née d'une mère anglophone et d'un père francophone. Ouais. C'était courant à l'époque aussi. Et je pense que ça a été, c'était comme un peu l'aboutissement de ses premières démarches. Il fallait qu'elle arrive à se présenter. Elle y tenait beaucoup. En 1942, elle prend le comté de son mari et son mari avait pris le comté de son père. Oui. Son père avait démissionné lors de la conscription de la Première Guerre. Son mari démissionne pour la même raison lors de la Deuxième Guerre. Et elle pensait, elle qui était contre la conscription, pourrait gagner. C'est pour ça qu'elle ça était... marche pas. Ben non, elle était libérale et indépendante. Elle ne sera jamais non, élue. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que c'est un de ses plus grands regrets? Je pense, elle croyait qu'on c'était un lieu pour être capable de faire changer les choses. Évidemment, c'était tout seul. Moi, je l'ai appris comme première femme dans plusieurs conseils d'administration. Il faut être au moins deux pour avoir la majorité. Mettons ça comme ça. C'est très difficile. Mais ça dépend des caractères. Ouais. Donc, et elle savait s'imposer, puis elle savait construire des réseaux, des alliances. Mm-hmm. Donc, elle aurait pu faire avancer des choses. En fait, son entrée au Parlement, elle se fera à titre de sénatrice. C'est Pierre-Elliott Trudeau qui la nommera en 1970 pour un an, parce que l'année suivante, elle aura 75 ans, elle devra quitter le Sénat. Un mot en terminant, Nicole Forget, sur l'héritage que nous laisse Thérèse Casgrain et qu'est-ce qui reste de cet héritage? Bien, il reste au moins beaucoup de changements législatifs concernant les femmes. Ça serait venu, j'imagine. Mais disons qu'elle a entraîné avec elle toutes sortes de femmes, moi la première, mais Claire Leroux Dubé travaillait avec nous sur des dossiers pour faire modifier les législations. Il y en a plein d'autres, Monique Bégin a travaillé là-dessus. Bon, on était plusieurs, vraiment. Moi, je suis la plus jeune dans ces groupes-là tout le temps. Elle nous a aussi convaincus qu'on pouvait. Tu sais, elle prenait le téléphone, puis qu'est-ce que vous attendez? Bon, alors, elle était comme un peu, pas la mouche du coche, mais il fallait qu'on ait de bonnes réponses pour dire qu'on n'était pas là. C'est déjà un héritage important. Donc, cette première génération de femmes dans la vie publique, finalement. Oui, oui, oui. Oui. Et on n'a pas toujours été... Il y en a qui sont fait élire, forcément. Oui. Elle, malheureusement, c'est pas arrivé. Mais en même temps, probablement qu'à partir d'un certain âge, personne ne l'aurait prise. Elle n'était pas facile, Thérèse, de tout temps. Oui. Ça peut expliquer pourquoi, par exemple, les libéraux en 60 sont pas allés la chercher, même si elle avait des idées extrêmement progressistes et qui auraient été... bien dans le programme du Parti libéral de M. Lesage. Nicole Forget, auteur, je le rappelle, de Thérèse Casgrain, La gauchiste au collier de perles, publiée chez Fides en 2013. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça m'a fait grand plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Chantal Benoît. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.